بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ô prophète, quand vous divorcez les femmes, divorcez-les conformément à la période d'attente qui leur est prescrite, et comptez les jours avec exactitude. Craignez Dieu, votre Seigneur. Ne les expulsez pas de leur maison avant la fin de ce délai, et qu'elles ne quittent pas d'elles-mêmes, à moins qu'elles n'aient commis un acte immoral prouvé. Telles sont les limites imposées par Dieu, et quiconque transgresse les limites de Dieu se fait du tort à lui-même. Qu'en sais-tu? Peut-être Dieu suscitera-t-il par la suite quelque chose de nouveau. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Puis, lorsqu'arrive la fin du délai prescrit, vous pouvez soit retourner avec elle de façon convenable, soit vous séparer d'elle décemment. Pour ce faire, assurez-vous de prendre comme témoin deux hommes intègres parmi vous et rendez-en témoignage devant Dieu. Voilà ce à quoi Dieu est exhorté, quiconque croit en Dieu et au jour dernier. Et quiconque craint Dieu, Dieu lui donnera une issue favorable. Il lui accordera ses dons par des moyens qu'il ne soupçonnait pas, et quiconque place sa confiance en Dieu, Dieu lui suffit. Ses commandements s'accompliront toujours, et il a assigné une mesure précise à chaque chose. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. Si vous avez des doutes au sujet de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus leurs règles, leur délai est de 3 mois, de même pour celles qui n'ont pas encore leurs règles. Et quant à celles qui sont enceintes, leur période d'attente se terminera à leur accouchement. Et quiconque craint Dieu, Dieu lui facilite les choses. Tel est le commandement de Dieu qu'il vous révèle. Quiconque est pieux envers Dieu, il lui effacera ses fautes et lui accordera une généreuse récompense. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن تضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. Logez vos femmes en attente de divorce au même endroit que vous et suivant vos moyens. Ne cherchez pas à leur nuire en les contraignant à vivre à l'étroit. Si elles sont enceintes, pourvoyez à leurs besoins jusqu'à ce qu'elles aient accouché. Puis, si elles allaitent l'enfant, né de vous, donnez-leur une allocation et concertez-vous à ce sujet de façon convenable. Mais si vous êtes en désaccord, alors qu'une autre femme allaite l'enfant. Que celui qui est financièrement à l'aise dépense de sa fortune, et que celui dont les biens sont restreints dépense selon ce que Dieu lui a accordé. Dieu impose toute âme seulement selon ce qu'il lui a donné. Et il fera succéder l'aisance à la gêne. وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. Que de cités se sont insolemment opposées aux commandements de leur Seigneur et de ses messagers. C'est avec la plus grande rigueur que nous leur avons fait rendre des comptes, et nous leur avons fait subir un châtiment exemplaire. Ces cités ont donc goûté aux conséquences désastreuses de leur comportement, et y ont été ruinées. Dieu a préparé pour eux un dur châtiment. Craignez Dieu, ô vous qui êtes doués d'intelligence. Et qui croyez, Dieu vous a fait descendre un rappel. Rasoulan yatlu alaykum ayati Allahi mubayyinatin liyukhrijal ladhina amanu wa 'amilus salihati min adh-dhulumati ila an-nur. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Un messager qui vous récite ces versets explicites afin de faire sortir ceux qui croient et font le bien des ténèbres vers la lumière. Et quiconque croit en Dieu et fait le bien, Dieu le fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, où il demeurera éternellement. Dieu a pleinement pourvu à ses besoins. C'est Dieu qui a créé sept cieux et autant de terres. Son commandement descend entre eux afin que vous sachiez que Dieu est tout-puissant et qu'il embrasse tout de sa science.